Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 9 mai. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de l'Avalanche du Colorado qui a été éliminé hier par les Sharks de San Jose lors du 7e match de la série. Donc une défaite de l'Avalanche par la marque de 3-2. Samuel Girard de Robertval a amassé une passe dans la compte. Il a joué 18 minutes 56 et a terminé le match à plus 2. Maintenant, on va parler du côté de golf. On sait qu'on vous annonçait la semaine dernière que le circuit Golf Tour, dont participaient Kevin Fortin-Simas, également Pierre-Alexandre Bédard et Lucas Dupéré de Dolbeau-Mistassini, cessait ses activités. En entrevue sur les ondes de talentosport.com hier, Kevin Fortin-Simas a expliqué qu'il a été déçu, mais ça n'empêche rien à son année. Cette année, il va jouer au golf. Bien honnêtement, le Canada Pro Tour n'avait pas coutume d'envoyer l'horaire bien à l'avance. Ça fait que c'était comme un peu bizarre. Fait qu'un coup, tu reçois l'horaire, ben, tu commences à planifier. Dans mon cas, ça change-tu pas? Oui, j'avais prévu en jouer. Ça va juste me faire sortir du pays un peu plus que prévu. Ça met pas mon été puis mon plan de match pour la saison sur la glace. Okay. Je vais juste aller jouer ailleurs. Fait que oui, il y a un impact là, mais pas au point de dire je joue pas cette année puis je fais d'autres choses. Là. Ok. Kevin Fortin-Simard entend s'exiler et jouer plus aux États-Unis cette année. Regarde un peu les options. Il y a quelques tournois là, dans le fond des omniums, vraiment des États un peu plus proches là, du Québec là, dans le nord-est des États-Unis. Puis après ça, bon, il y a des un peu comme j'ai joué moi dans le passé, là, ben des années, puis même ce que j'ai fait ce printemps là, dans le fond du Montreux, mais faut s'exiler, là, faut s'éloigner de la maison. Fait que ça. Faut être prêt à le faire. Moi, dans le fond, mon objectif cet été, c'est de rejouer au golf. Fait que je vais trouver des tournois. Je vais en jouer moins que si le Québec avait été encore disponible. Pour un nombre d'événements, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est sûr que, tu sais, au final, le Québec était abordable et accessible. Donc, ça rendait ça un peu plus facile. Certain que quand tu t'inscris dans un mini-tour aux États-Unis, à 1000$ pour un droit d'entrée, ben, tu jouais trois tournois au Québec pour ce prix-là. Fait que ça a un impact, ça, c'est sûr. Et dans un dernier temps, ben, il a bien aimé son voyage aux États-Unis qu'il a fait récemment. Évidemment, pour lui, c'est pas nécessairement une question de résultat, mais c'est une question plutôt de progresser. Cette réalité-là de golfeur dans un nouveau cadre aussi là, avec ma blonde et notre petite fille qui était là. Donc, c'était bien différent. C'était le fun. J'ai eu bien du fun à être là-dedans puis à plonger vraiment à temps plein. Puis après ça, ben, au niveau résultat et compétition, ces choses-là, tu sais jamais bien l'écart est toujours bien mince entre avoir une bonne et une mauvaise semaine. Puis, tu sais, même dans le passé, quand je faisais ça à temps plein, des coupures, j'en manquais. Puis je vais en manquer encore. Puis, tu sais, fait que c'est un peu ça. Fait que je le juge pas vraiment en termes de mes résultats, mais je veux juste comme progresser à chaque semaine puis sentir que ça va dans le bon sens. Puis je pense que j'ai fait un bon bout de chemin là, dans les deux mois que j'ai. L'Autodrome de Saint-Félicien a un nouvel actionnaire. Il s'agit de l'homme d'affaires de Saint-Félicien, Dave Bradette, une personnalité bien connue. En entrevue sur les ondes de danadosport.com, Dave Bradette a expliqué les raisons qui l'ont fait qu'il a décidé d'investir dans l'Autodrome. Ben écoute, j'ai toujours été un passionné de l'automobile. J'ai deux garçons, j'ai une fille. Mes enfants aussi aiment l'automobile, surtout mes garçons. Donc, les courses, automatiquement, c'est connexe. L'autodrome, les voitures, les garages. Fait que tout fait qu'ensemble, je vais réaliser deux passions en même temps, l'automobile et les courses. OK. Bradette, il me semble qu'il faut s'attendre à des changements au cours des prochaines années à l'autodrome de Saint-Félicien. On veut améliorer l'expérience client. L'achat de l'autodrome pour moi, donc les dates, les courses, c'était déjà pas mal situé. Donc pour cette année, pour 2019, il n'y aura pas grand changement, même pas du tout, versus ce qui avait déjà été décidé. Mais on est en pourparlers pour peut-être une autre série dans les années antérieures. Peut-être des changements, tu sais, il y a des changements qu'on peut apporter rapidement, comme mettons au niveau des bars, peut-être un orchestre, mais tu sais, okay. Il va y avoir des petits changements mineurs cette année, mais à long terme. Et Dolbeau Mistassini va accueillir le Tour du Silence le 15 mai prochain. Le Tour du Silence est une randonnée en vélo pour rendre hommage aux gens qui ont perdu la vie en vélo sur la route. Et Stéphane Royer, propriétaire du magasin Intersport du secteur de Dolbeau Mistassini et Robert Vall sera l'invité d'honneur. On attend de 40 à 50 personnes et le trajet va partir de la Pointe des Pères et va s'en aller vers le secteur de Mistassini. J'invite à écouter la section entrevue de dandradosport.com. Hier, on a parlé avec le golfeur de Saint-Prime, Kevin Fortin-Simard, et je me suis aussi entretenu aussi avec Dave Palette qui s'est porté actionnaire de l'autodrome de Saint-Félicien. Sport local et régional à dandradosport.com.